Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, premier épisode de notre semaine spéciale consacrée au sport, avec l'histoire de Simone Mathieu aujourd'hui, une championne de tennis qui a sacrifié sa carrière sportive pour s'engager au service de la France libre. Elles ne sont pas nombreuses, ces Françaises, à avoir remporté les internationaux de tennis de Roland-Garros. Encore plus rares, celles qui l'ont gagné deux fois. Et bien avec sa comparse Suzanne Lenglen, Simone Mathieu est la seule tricolore à avoir réussi cet exploit deux ans de suite. Pourtant, d'elle, personne ou presque ne se souvient aujourd'hui ni de son nom, ni de son visage. Dotée d'un coup droit ravageur, d'une détermination hors norme et d'un immense courage, Simone Mathieu a tous les traits, les attraits d'une immense championne. Seulement voilà, elle n'a pas l'étoffe, ni le physique de la divine Suzanne Lenglen, ni sa grâce sur le court, et encore moins le sens de la com' de sa rivale. Elle ne sera donc jamais une égérie, encore moins une icône, comme le fut l'autre. Qu'à ça ne tienne, ce n'est pas l'histoire du sport qui fera d'elle une grande dame, c'est l'histoire tout court. La Deuxième Guerre mondiale, où elle s'illustre du bon côté de la barrière. C'est alors que s'ouvre un nouveau chapitre de sa vie, venant balayer tout ce qu'elle avait fait avant. Mais encore une fois, malgré son héroïsme, le récit national va petit à petit l'oublier. Notre invité aujourd'hui, l'historien Éric Alary, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire des Français sous l'occupation. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont le dernier, intitulé « Nouvelle histoire de l'occupation », est paru aux éditions Perrin en 2019. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. À côté du général de Gaulle se trouve le colonel Billotte. Le colonel Billotte est le fils du général des armées du Nord qui trouva une mort héroïque en 1940. Le colonel Billotte, jeune officier d'armée de la nouvelle armée française, commande la brigade blindée de la 2e division, de la 2e division des blindés qui est rentrée hier matin dans Paris. L'enthousiasme est à son comble. Samedi 26 août 1944, scène de liesse, scène de joie dans Paris libéré. Il est un peu plus de 15h lorsque le général de Gaulle arrive à l'Arc de Triomphe. Pour la première fois depuis 4 ans, la Marseillaise résonne dans les rues de la capitale. Pour la première fois aussi, les drapeaux bleu, blanc, rouge flottent seuls sur la façade des bâtiments ou au balcon des appartements. C'est un étourdissement de bonheur, une fin de cauchemar. Comme César, revenant de campagne, entouré d'un cortège de dizaines de personnes en costume ou en habits militaires, conseillers, soldats, gendarmes, figures de la France libre ou de la résistance, le général de Gaulle descend à pied les Champs-Élysées. Plus qu'un symbole, cet épisode entérine aux yeux du monde la libération de Paris, la liberté retrouvée de la France, la défaite de l'occupant nazi et une incarnation altière surmontée d'un képi triomphal. De chaque côté de l'avenue, des dizaines de milliers de Parisiennes et de Parisiens se sont donné rendez-vous. Sur les petits panonceaux que certains brandissent à bout de bras, on lit le mot « Libération » et on y voit le dessin d'une croix noire à double traverse. C'est la croix de Lorraine, symbole de la France libre. De cet épisode, il existe des photos et des images filmées, bien sûr. Difficile pourtant de distinguer avec précision les visages de tous ceux qui marchent aux côtés du général. Certains témoins affirment que ce jour-là, celle qui attirait l'attention et les regards plus que les autres, c'était une femme d'une trentaine d'années aux épaules carrées, habillée de son uniforme militaire aux couleurs de l'unité du corps féminin de l'armée française, honorée de ses barrettes de lieutenant ostentatoires, comme il se doit. Cette femme, dont les images des actualités cinématographiques n'ont gardé aucune trace, eh bien ce sera là son destin, c'est Simone Mathieu. Femme au côté bourru, au caractère bien trempé, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, Simone Mathieu méritait plus que quiconque de recevoir les honneurs d'un pays qu'elle venait de participer à libérer. Première femme engagée volontaire militaire, également à l'origine de la première unité féminine de la France libre, Simone Mathieu était connue pour son activité débordante et sa témérité. Pendant la guerre, il lui était arrivé de parler sur les ondes de la BBC à l'attention des Français de la zone occupée, ce qui avait d'ailleurs valu quelques ennuis à son mari resté à Paris. Ses deux fils, eux, cachés dans le Midi, l'écoutaient plein d'admiration. « En attendant les honneurs, pour Simone Mathieu et d'autres dans le cortège, la scène paraît presque irréelle. Marcher ici même dans Paris, derrière le général de Gaulle, recevoir l'ovation de la foule, quand la veille encore l'occupant allemand était là, c'est presque surréaliste. Voilà moins de 24 heures que le général Leclerc est entré dans la capitale. Quelques feux, quelques échauffourées et quelques arrestations plus tard, il obtient la reddition sans condition des troupes du Troisième Reich devant la gare Montparnasse. Bref, tout se déroule pour le mieux. Dans la foulée, sur les ondes courtes des émetteurs de la radiodiffusion française, les Parisiens libérés peuvent entendre ce message, tout simple, fort et beau, Paris libéré. Ici, radiodiffusion de la nation française. Nous nous adressons actuellement aux Parisiens. Nous pouvons être écoutés des seuls Parisiens des quartiers La Muette et Italie. Nous les prions donc de téléphoner à leurs amis pour qu'ils puissent prendre l'écoute à d'autres moments où d'autres quartiers auront la lumière. Qu'ils téléphonent aussi à leurs amis de Doménil, de Charonne, de Commières, de Ménilmontant, de Saint-Augustin, de la République, que de 23h à 23h30, ils auront le courant qu'ils prennent notre écoute. Sur le papier, la longue nuit de l'occupation vient de s'achever. Sur le papier, parce qu'à l'image du message qu'on vient d'entendre, la confusion règne encore dans les rues de la capitale. Ce 26 août 1944, preuve que la situation est toujours tendue, le cortège du général de Gaulle est la cible de tir sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. Par chance, personne n'est blessé. Trois semaines plus tard, le 17 septembre 1944, Porte d'Auteuil à Paris, la Fédération française de tennis organise un match de gala sur la terre battue de Roland-Garros pour célébrer à son tour la libération. Le cadre n'a rien de militaire, mais l'ambiance reste solennelle. La rencontre est organisée, dit-on, au bénéfice des forces françaises de l'intérieur, les FFI tombées dans la lutte contre l'occupant. Parfait. Sur le court, les photographes de presse immortalisent la scène d'avant-match. Et sur ces clichés en noir et blanc, on distingue deux hommes et une femme. À droite, on reconnaît le tennisman Yvon Petra. À gauche, Henri Cochet, l'un des quatre mousquetaires. Mais celle qui retient l'attention du public, autant que celle des journalistes, c'est cette petite femme-là, sanglée dans son uniforme trop serré au niveau de la taille, portant le calot réglementaire. Elle, c'est l'arbitre de la rencontre. Elle, c'est Simone Mathieu. Si Cochet écrase Petra au terme d'un match sans véritable enjeu, celle qui force l'intérêt et l'admiration des publics, c'est bien Simone Mathieu. Car avant d'entrer au service de la France libre, avant de défiler sur les Champs-Élysées aux côtés du général de Gaulle, elle était, avant tout, une championne de tennis. Sur le circuit féminin, elle était classée numéro 2 mondial, excusez du peu. Sur les cours d'Europe et des États-Unis, elle a fait briller la France pendant près d'une décennie. Alors la question que de nombreux spectateurs et de journalistes se posent, c'est de savoir si on la reverra un jour, raquette à la main. J'avais vraiment à l'aise lorsqu'il s'agit de répondre en public. Simone esquive avec ses quelques mots. Sachez que désormais je suis retenue par mes nouvelles fonctions et que le tennis ne peut pas être ma priorité dans l'absolu. D'ailleurs, je dois vous avouer quelque chose, on s'est peut-être un peu trop pressé de m'introniser juge-arbitre ce dimanche. Pensez donc, je ne sais même plus compter les points. En coulisses, l'ancienne championne sait déjà que sa santé et son état de forme ne lui permettront pas de reprendre le tennis. En tout cas, pas en tournoi, et encore moins au niveau qu'elle avait avant. La guerre, avec ses voyages harassants, stressants, la fatigue, l'éloignement, ont ébranlé sa santé, tant sur le plan physique que moral. En septembre 44, lorsqu'elle arbitre le match de la Libération, cela fait 5 ans que Simone n'a pas touché une raquette. Et qu'on affublait jadis du titre de joueuse lourde et dodue, elle est maintenant mince et élancée, 1m66 pour 62 kilos. Mais cet argument ne suffit pas à faire de qui que ce soit un champion ou une championne. Simone le sait mieux que quiconque. Lorsque 2 ans plus tard, en 1946, elle est enfin démobilisée, on la voit rejouer quelques matchs en préambule de tournoi. Le public l'accueille chaleureusement. Elle fait même une apparition à Roland-Garros en 1947. Éliminée dès le premier tour en simple, elle parvient à se hisser jusqu'en quart de finale en double. Un retour éphémère sur les courts de tennis, un retour sans réussite, minutes, mais non sans panache. Et en tout cas, plein de courage, salué par les journalistes et applaudi par le public. Ensuite, Simone Mathieu devient membre de l'équipe d'entraînement des jeunes et intègre le comité technique de la Fédération de tennis. C'est à elle que revient l'honneur d'endosser le rôle de capitaine de l'équipe féminine française. Elle remplit sa tâche avec passion pendant 10 ans. Un temps même, elle dirige aussi la fédération féminine. Femme discrète et réservée, elle n'accorde que très peu d'interviews. Il faut dire aussi qu'à cette époque, au sortir de la guerre, la société française reste ancrée dans ses archaïsmes. Les femmes viennent d'avoir le droit de vote, certes, mais leur sort ne s'améliore pas dans la presse. Les journalistes se passionnent quasi exclusivement pour les exploits des sportifs et laissent au jour maigre la couverture des victoires des sportives. Une situation qui ne choquait personne à l'époque. Quoi qu'il en soit, il n'existe dans les collections d'archives qu'une seule déclaration avec la voix de Simone Mathieu. En 1959, sur les ondes de la RTF, en direct des Galeries Lafayette à Paris, l'ancienne championne de tennis et résistante donne une interview à la radio. Elle est l'invitée du journaliste Robert Chapat, qui anime une émission spéciale consacrée aux femmes sportives. Autour de lui, elles sont 5, dont Simone. Mesdames, je voudrais vous poser à brûle-pourpoint une question. Si c'était à refaire, repratiqueriez-vous le même sport, Simone Mathieu? Oui, certainement, parce que j'en ai fait beaucoup d'autres, c'est celui que j'ai préféré. Ah, depuis quel âge pratiquez-vous le tennis? 11 ans. Et vous pensez... L'âge de 11 ans, il n'y a pas 11 ans. Non, mais je ne vous en demande pas plus. Vous avez été maintes fois championne de France. Oui, j'ai été 11 fois championne de France, 6 fois championne d'Angleterre, etc., etc. Championne de Californie, enfin j'ai pas mal de titres. Et si c'était à refaire, donc, en un mot, vous recommenceriez à faire du tennis, n'est-ce pas? Il est fréquent de lire que l'avènement des épreuves sportives modernes et leur large couverture dans la presse durant la première moitié du XXe siècle, on parle ici du cyclisme, du football ou de la boxe, a servi d'ascenseur social pour toute une catégorie de gens modestes. C'est tout à fait vrai. Et suivez d'ailleurs le cas des frères Henri et Francis Pélissier, deux gamins pauvres devenus des vedettes grâce à leurs exploits sur les routes du Tour de France. Mais ce n'est pas le cas de Simone Mathieu, non. Simone Emma Henriette Passemard, qui prendra par la suite le nom de Simone Mathieu lors de son mariage, est issue de la haute bourgeoisie de l'Ouest parisien. Née en 1908 à Neuilly-sur-Seine, elle vit et grandit dans le luxe et l'opulence de ses grandes familles, symbole de la réussite du pays. Sa vie semble déjà toute tracée. Et d'ailleurs, si elle se met au sport, ce n'est pas pour des rêves de gloire. Moi, j'ai été obligée de quitter mes études parce que je n'étais pas en bonne santé. Le sport m'a permis probablement d'être en meilleure santé, mais presque toutes mes joueuses que j'ai maintenant, et qui sont les premières joueuses de France, ont toutes passé leur bachot et passent des examens supplémentaires. Par conséquent, ça n'empêche rien, on peut faire les deux. Moi, j'estime qu'on peut très bien faire les deux. Et au contraire, c'est un dérivatif pour celles qui font beaucoup d'études d'aller faire du sport quand elles sortent de là. C'est la meilleure détente. Pour Simone, le choix du tennis plutôt qu'un autre sport ne doit rien au hasard. Au début des années 20, cette discipline est considérée comme un loisir pratiqué par les grandes familles bourgeoises. Ce n'est donc pas un vrai sport, d'ailleurs. Il est aussi l'une des seules activités physiques de plein air que les femmes sont autorisées à pratiquer. Peut-être parce que l'époque considère que ce n'est pas un vrai sport, justement. Tout juste bon pour les femmes. À ses débuts, Simone joue avec deux frères et elle participe vite au tournoi junior du Stade français à la Faisanderie de Saint-Cloud. Elle frappe fort, elle ne lâche rien et surtout, quel caractère! Elle démontre déjà qu'elle déteste perdre. Surtout si la faute en revient à l'arbitrage, au filet ou à sa raquette, enfin. Tout ça façon talent. En 1923, à l'âge de 15 ans, elle gagne son premier tournoi. Et à cette époque, la joueuse de tennis dont tout le monde parle... Ce n'est pas elle, non, c'est une certaine Suzanne Lenglen, l'idole glamour dont les robes blanches échancrées sur les cours font la joie des photographes autant que des spectateurs. Virtuose, raquette à la main, légère, souple et vive, telle est ou telle est perçue Madame Suzanne Lenglen, qui ne se doute pas qu'un jour, au temps moderne, un cours de Roland-Garros porterait son nom. C'est bien simple, Suzanne est l'égale des actrices de cinéma. Elle est l'une des rares femmes à voir sa photo et son nom en première page des journaux. Elle est aussi l'une des rares à s'émanciper des codes de la société de l'époque. Elle vit et voyage en Europe et aux États-Unis, ce privilège est rare. Alors, à a-t-elle influencé le parcours sportif de Simone Mathieu? À vrai dire, personne ne le sait. Mais certains historiens estiment que l'exemple que Suzanne a permis à Simone de s'émanciper par le tennis de son entourage, familial en particulier. En 1925, elle se marie en effet avec René Mathieu, journaliste et fondateur du magazine Smash, la première grande revue de tennis française. C'est avec le nom de famille de son époux que le grand public la découvre donc pour la première fois, un an plus tard, à la Croix-Catelan, lors d'un match entre la France et les États-Unis. L'équipe américaine, emmenée par la championne Helen Wills, est alors considérée comme la référence du circuit. Et ce jour-là, face à l'une des toutes meilleures joueuses du monde, si Simone Mathieu, championne de France junior de 18 ans, ne parvient pas à gagner, elle régale le public en faisant reculer, vaciller et même douter Wills. C'est un exploit. Sur le court, un constat s'impose. Malgré son manque d'expérience, Simone Mathieu a déjà un style de jeu redoutable. Commenté, on ira plus tard, un joueur qui l'a côtoyé. Simone était exactement ce qu'on appelle un caractère. C'est-à-dire, elle n'avait pas un service fracassant ou une montée à la volée comme certaines joueuses aujourd'hui. Mais elle ne manquait pas une balle, elle avait une très belle technique, notamment un coup droit magnifique, mais un caractère, une intelligence de jeu formidable. En 1928, après avoir participé une première fois à Roland-Garros et après avoir donné naissance à deux enfants, Simone décide de quitter le carcan familial et de poursuivre sa carrière sur les courts. La jeune femme fait un choix, que dis-je, un sacrifice. Elle confie ses deux fils à ses parents, qui vivent loin, dans les Cévennes. L'année suivante, désormais libre, Simone se lance dans un tour d'Europe des compétitions et récolte la plupart des trophées. Finaliste à Roland-Garros et plusieurs victoires dans plusieurs tournois majeurs. Bref, elle vit sa vie, elle s'épanouit, comme elle le racontera plus tard. Entre 1925 et 1939, j'ai disputé des matchs en Belgique, Italie, Hollande, en Europe de l'Est, mais aussi en Égypte et en Asie centrale. Je suis allée partout, sauf en Scandinavie, aux Indes et en Australie. J'ai joué et remporté le championnat de la côte du Pacifique qui se jouait en Californie. En voyage, nous savions vivre. Nous étions reçus comme des princes. Preuve que Simone est surtout une joueuse au caractère fort. En 1931, à Wimbledon, battue en demi-finale, elle salue à peine son adversaire avant de quitter le court. Cinq ans plus tard, nouvelle saute d'humeur, toujours sur le gazon anglais. Après avoir perdu plusieurs points à cause du filet qui a dévié sa balle, elle s'écrit « Même ce damné filet est anglais ». L'usage du mot « damné », considéré comme un manque de respect chez les Britanniques, provoque la colère des spectateurs, des journalistes et fait la une de la presse au Royaume-Uni. Plus tard, à Monte-Carlo, s'estimant victime d'une erreur d'arbitrage, elle quitte le terrain entre deux jeux. Elle a eu à peine le temps de connaître McEnroe. Dommage, elle aurait aimé. Au printemps 1938, la politique internationale et la crise des Sudètes font les gros titres de la presse. La menace nazie plane sur l'Europe. Simone se tient loin de la politique. Elle continue d'engranger les victoires et affiche un palmarès de 32 trophées en tournoi. 6 fois demi-finaliste du simple dame, 3 fois victorieuse du double dame à Wimbledon et surtout 6 fois finaliste à Roland-Garros. Simone Mathieu aborde les internationaux de France de tennis de la Porte d'Auteuil avec en cette année 1938 la ferme volonté de l'emporter. D'ailleurs, entre nous, il serait temps. Claquer les balles sous les coups de Roland-Garros. éviter. Sensible, Fabrice Drouel. Samedi 11 juin 1938, porte d'Auteuil à Paris, cour centrale de Roland-Garros, finale du simple dames des internationaux de France. À l'affiche, le duel entre les Français Simone Mathieu et Nelly Adamson-Lundry. Assise dans sa loge, fourrure de lynx sur les épaules et lunettes noires sur le nez, Marlène Dietrich fait partie cette année des invités de marque. Grâce à ses petites jumelles, l'actrice ne loupe pas une miette du spectacle qui se joue quelques mètres plus bas. La rumeur prétend qu'elle est une fervente supportrice de Simone Mathieu. Si tel est le cas, elle a bien fait de venir, car aujourd'hui, sur le court central, raquette à la main, Simone Mathieu est impériale. Après avoir perdu ici même 6 finales à Roland-Garros, elle n'offre cette année aucune possibilité à son adversaire de marquer des points. À chaque fois que Nelly Adamson-Lundry tente une montée au filet, Simone Mathieu lui répond de son coup droit dévastateur, à coup de passing shot, le coup préféré des joueurs de fond de cours, ceux qui n'osent pas monter à la volée. D'autres jouent, ceux-là gèrent. Ils tablent sur la faute de l'adversaire qui lui prend des risques en montant à la volée et en assurant le spectacle. Simone Mathieu fait partie de ces gestionnaires du tennis. Pour eux et pour elle, seule la victoire est belle, peu importe la méthode. Simone Mathieu, c'est Borg avant la lettre. C'est aussi le verdict du fond de cour, implacable. Avec elle ce jour-là, le tempo est simple. 15-0, 30-0, 40-0, jeu blanc, circulait. À la fin du match, l'arbitre annonce la victoire sans appel en faveur de Madame Mathieu, 6-0, 6-3. Et comme si cela ne suffisait pas, Simone Mathieu enchaîne quelques jours plus tard avec une victoire dans le double dames et dans le double mixte, réalisant sur la terre battue de Roland-Garros un triplé historique. Un exploit qui ne sera jamais réédité, porte d'Auteuil. Preuve de toute sa détermination, Simone Mathieu livrera plus tard aux journalistes l'explication suivante. Sur le court, mon adversaire, c'est mon ennemi. Je ne me bats pas pour gagner, je me bats pour la vaincre. Simone réédite son exploit l'année suivante avec une victoire en simple à Roland-Garros. Nous sommes alors au mois de juin 1939. En septembre de cette année-là, la championne française de tennis est à New York pour participer à plusieurs tournois, dont l'US Open. Alors, en pleine préparation, elle découvre avec vertige sur les ondes d'une radio anglaise que de l'autre côté de l'Atlantique, la France et la Grande-Bretagne viennent de déclarer la guerre à l'Allemagne nazie. Aussitôt, elle déclare forfait, annule tous les matchs et se retire de toutes les compétitions. De retour à son hôtel, elle fait sa valise et embarque sur le premier bateau en direction de l'Angleterre. Après un bref passage en France jusqu'en mars 1940, témoin puissant de la débâcle de l'armée française, elle se révolte et rejoint Londres. Elle laisse derrière elle sa famille et sa carrière de championne de tennis. Elle s'engage complètement, totalement, au service des Alliés. Elle apprend, en effet, qu'au Royaume-Uni, les femmes peuvent effectuer un service militaire dans la branche féminine non combattante de l'armée anglaise. Et elle devient de facto l'une des toutes premières femmes françaises à entrer en guerre contre le Troisième Reich. Simone arrive à Londres quelques jours seulement avant l'homme qui s'apprête à symboliser la lutte contre l'occupant, le général de Gaulle. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Juin 1940, la France capitule, le pays se couche devant Hitler. Mais pas tout le pays. Depuis les studios de la BBC à Londres, un général français n'accepte pas cette situation et il le dit. Alors avec de Gaulle, une poignée d'hommes et de femmes, combattants de l'espérance, partisans de la France libre, refusent de rendre les armes. Parmi eux, il y a Simone Mathieu. Oui, l'une des rares femmes à figurer parmi ceux que l'histoire retient sous le nom de Compagnon de l'Aube. Elle en témoignera plus tard. Un triple idéal a toujours guidé ma vie. Dieu, ma patrie, ma famille. Mais ma patrie vient avant ma famille. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité, le cœur déchiré, à me séparer de mes deux enfants qui sont restés là-bas, à ne plus les revoir jusqu'au jour où les forces françaises libres, dont je suis fière de porter l'uniforme, auront libéré la France. Jusqu'ici engagée volontaire comme conductrice et traductrice dans l'armée anglaise, Simone veut combattre. De Gaulle lui propose de former un corps militaire féminin. Elle recrute 150 jeunes femmes et devient leur capitaine. Énergique et déterminée, Simone incarne pour beaucoup d'entre elles un leader, une mère, un idéal et surtout l'espoir. Sur les rares images de l'époque, tournées par les équipes de la British Pathé, on voit Simone passer en revue ses troupes. Ou encore, assise à son bureau, répondre au téléphone, avec toujours sur son visage ce sourire, cette même détermination, celle-là même qu'elle avait sur les courts de tennis. L'ancienne championne obtient que les forces françaises féminines possèdent leur propre uniforme. C'est, selon elle, le meilleur moyen de briser les différences sociales entre les combattantes et surtout de donner à toutes ces jeunes femmes le sentiment qu'elles s'engagent au même niveau que les hommes, en première ligne, au service de leur pays. Seule différence, finalement, entre les combattants et les combattantes, le calot qui remplace sa casquette. Toutes les femmes sous les ordres de Simone Mathieu deviendront tour à tour interprètes, traductrices, cuisinières, infirmières, ambulancières. Elles remplaceront les hommes envoyés en France ou en Afrique du Nord. Certaines d'entre elles participeront même à des missions aéroportées sur l'Hexagone. Un rôle fondamental, mais que la mémoire oubliera, elle qui sait se montrer parfois si sélective. Le 18 avril 1941 à Londres, une bombe s'écrase sur la caserne des femmes. Une volontaire meurt, 10 autres sont blessés. Simone se jette dans les décombres et participe, sans relâche, des heures durant, aux opérations de sauvetage. Les bombardements sur la capitale anglaise se poursuivent pendant près de 3 ans, rendant la vie de Simone infernale. Mais assez vite, le franc-parler et le caractère de l'ancienne championne de tennis dérangent parmi le premier cercle du général. Certains trouvent qu'elle est trop impliquée et elle est remplacée à la tête de son corps féminin. À la place, elle se voit offrir un poste au sein des services de renseignement de la France libre, une nouvelle carrière dans laquelle elle s'impliquera totalement. En 1943, on la retrouve à Alger, aux côtés du général de Gaulle, passant en revue les forces françaises libres qui participeront plus tard au débarquement en Provence. Dans les semaines qui suivent la bataille de Normandie et l'entrée des troupes françaises dans la région parisienne, on la retrouve donc au mois d'août 44 sur les Champs-Élysées, aux côtés du général. À la Libération, on l'a vu, elle arbitre le premier match de la France libérée à Roland-Garros, bien sûr, c'est en septembre 44. Ensuite, sa carrière se fera dans l'ombre des autres. Elle, qui n'était déjà pas bavarde face à la presse après ses victoires en tournoi, disparaît peu à peu des écrans radars. Entraîneuse et dirigeante de la Fédération féminine de tennis, sa dernière apparition publique a lieu à Roland-Garros, le dimanche 11 juin 1978, lors de la cérémonie du cinquantenaire de sa victoire, où, souriant sous les ovations unanimes, elle descend sur le central. Elle est gravement malade, mais personne ne le sait. En janvier 1980, Simone Mathieu disparaît à l'âge de 71 ans. Seconde tenniswoman française la plus titrée de tous les temps, juste derrière Suzanne Lenglen, elle n'aura droit qu'à un article dans Le Monde et dans la presse spécialisée. faut attendre 2006 pour que le nom de Simone Mathieu soit enfin inscrit comme membre de l'International Tennis Hall of Fame, sorte de registre sur lequel figurent les noms des plus grands joueurs et joueuses de la discipline. Récemment, au mois de mars 2019, fut inauguré à Roland-Garros un cours Simone Mathieu, oui, comme Suzanne Lenglen, elle aussi à son cours. Et la Coupe des gagnantes du double dames porte désormais son nom. Un hommage tardif pour cette femme qui fut à la fois une héroïne de la France libre, la seule joueuse de classe internationale que la France ait connue entre Suzanne Lenglen et Françoise Dürr, une femme d'exception qui fut malheureusement oubliée par l'histoire, enfin, un peu moins là, à l'instant présent. Au-delà de quel horizon vas-tu chercher sans le savoir? Jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire? Toi, ton combat, c'est le tennis. On peut trouver ça dérisoire. Pourtant, dans nos livres d'histoire, partout la dérision se glisse. Dans toutes ces luttes illusoires, l'homme a-t-il jamais pris le temps de comprendre que ses victoires ne se justifient qu'au présent? Wimbledon ou Roland-Garros, depuis des années tu y penses, et dans tous tes rêves de gosse, c'était comme une lancinance. Ton combat, toi, c'est le tennis, mais il commence bien avant que la grande foule envahisse le stade et que tu sois devant. Est-ce la gloire ou le pognon qui te livra l'impondérable, où tu explores l'insondable d'un point heureux, un faux rebond? Toi, ton combat, c'est le tennis, orgueil et talent confondus, avec au bras cet appendice, 3 points gagnés, 2 points perdus. Au-delà de quel horizon vas-tu chercher sans le savoir? Jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire? Jusqu'où s'étend cette prison où l'être humain vit son histoire? France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Simone Mathieu, dans le cadre du premier épisode de notre semaine spéciale consacrée au sport sensible. Donc Simone Mathieu, une femme qui a sacrifié sa famille et sa carrière de championne de tennis pour s'engager au service de la France libre. On en parle avec vous, Éric Allary, bonjour. Bonjour, Fabrice Drouel. Vous êtes historien, vous êtes à Tours, dans les locaux de France Bleu Touraine, que nous remercions au passage pour leur accueil. Alors, vous êtes un spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'histoire des Français sous l'occupation. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur cette période. Le dernier est intitulé « Nouvelle histoire de l'occupation ». Il est paru aux éditions Perrin en 2019. Alors, la question, évidemment, la première question que je vous pose, et qu'on pose quand on écoute cette histoire, comment se fait-il qu'il y ait un tel décalage entre l'histoire de Simone Mathieu, qui est glorieuse à la fois en tennis et pour son engagement dans la guerre, et qu'on l'ait presque oubliée? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça paraît vraiment incroyable. Mais oui. Disons que la mémoire collective, elle apparaît à l'aune de cette histoire, vous avez très bien raconté, elle apparaît comme essentiellement une mémoire masculine. Il ne faut pas oublier que finalement, peu de femmes ont eu la possibilité de rejoindre Londres au tout début de la guerre. Elles sont 60, 70 au début de la guerre. Et puis, parce que pour s'y rendre, il faut être libre, comme Simone Mathieu. Il faut avoir un certain âge pour s'y rendre. Vous savez, Je me souviens de la citation d'une grande écrivaine qui s'appelle Benoît Groult, qui disait qu'elle enviait les garçons qui étaient maintenant en Angleterre. Et elle disait que si elle n'était pas une fille, qu'elle serait sûrement partie. N'empêche que ce qui a motivé Simone Mathieu, c'est évidemment le patriotisme. Et puis, son adversaire principal, qui devient non pas une Américaine, non pas une Belge sur le terrain de tennis, mais, mais plutôt un Allemand. Ah oui. Et cette mémoire aussi, elle a été très rare après la fin de la Seconde Guerre mondiale à honorer des femmes. On retient Lucie Aubrac, on retient Bertie Albrecht, mais on ne retient pas Simone Mathieu. À mon sens, ça fait 30 ans que je travaille sur la Seconde Guerre mondiale, Simone Mathieu mérite d'être une icône aussi de la résistance française. C'est elle qui va glisser l'idée de créer un corps militaire français au général de Gaulle. Elle est oubliée, peut-être parce que aussi après la guerre, elle a tourné la page, comme beaucoup de Français. Elle n'a pas cherché à raconter son histoire. Elle en voulait aussi beaucoup à la presse de ne pas faire assez pour le sport féminin. Elle le dit dans un article de Match en 1930. Et donc finalement, elle n'a pas su, je dirais, entretenir une légende, construire une légende. Ouais. On le fait aujourd'hui finalement, avec Affaires Sensibles. Et on commence un tout petit peu à parler un peu plus de Simone Mathieu. Est-ce qu'il n'y aurait pas, concernant Simone Mathieu, un syndrome Salieri et Mozart? Vous savez, Salieri était un grand compositeur, il a la malchance d'être un contemporain de Mozart. C'est un peu comme Rocard qui a eu la malchance d'être un contemporain de Mitterrand. C'est-à-dire qu'on a des gens de talent, mais juste au-dessus d'eux, il y a quelqu'un qui a encore plus de talent, et là pour le coup c'est Suzanne Lenglen, c'est son nom qu'on retient. Il faut venir faire une carrière, elle vient faire une carrière... Après, la divine, c'était le surnom de Suzanne Lenglen. Elles viennent toutes les deux de la haute bourgeoisie. Hein. Simone Mathieu est fille d'un grand banquier, patriote, etc. Suzanne Lenglen, elle vient du 16e arrondissement de Paris. Mais Suzanne Lenglen, c'est plus de 240 titres, 180 victoires, 6 fois Roland-Garros, 6 fois Wimbledon. Il faut arriver après Suzanne Lenglen, qui incarne aussi, je dirais, l'entre-deux-guerres. Une sorte d'époque de reconstruction en même temps pour quelques femmes minoritaires, libres comme Suzanne Lenglen, qui incarne aussi les années folles. Et puis Suzanne Lenglen, c'est aussi une pionnière. Elle invente une nouvelle tenue pour mieux jouer. D'ailleurs, Simone Mathieu va emprunter cette nouvelle tenue. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change? Les jupes changent ou c'est quoi la nouvelle tenue? Oui, alors avant les femmes, donc toujours en blanc. Hein, Suzanne Lenglen va continuer à jouer en blanc, quoique quelquefois elle apporte un peu de couleur, ce qui scandalise les spectateurs de Wimbledon. Mais elle va notamment être habillée par un grand couturier, Suzanne Lenglen, qui s'appelle Jean Patou, et c'est la première joueuse à porter des jupes courtes sur un terrain de tennis. C'est une audace incroyable qui va choquer une partie du landerneau masculin, pourrait-on dire. Des jupes courtes, plissées, montées juste au-dessus des genoux, un bandeau de tulle qui maintient donc les cheveux. Elle découvre totalement les bras, les chevilles. Alors, les bras, les découvre juste en dessous des épaules. Simone Mathieu enlèvera les épaules. Et on voit, d'ailleurs, sur les photos, les épaules de Simone Mathieu qui ressemblent un peu à des épaules du bûcheron, si vous me permettez cette comparaison un peu fallacieuse. Bon, bref, Suzanne Lenglen aussi, elle entre parfois sur le court avec un manteau de fourrure, hein, comme Marlène Dietrich, dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Comme les stars de cinéma, voilà. comme les stars. Et ça plaît. Et pourquoi gêner après tout? C'est un spectacle. Et pourquoi gêner, oui. Ouais. Et alors en plus, Simone Mathieu charge la presse régulièrement. Elle fait vraiment tout. Elle pour être désagréable. Ce qui l'intéresse, c'est de gagner des matchs, vous l'avez dit. Ça me rappelle un peu, alors la comparaison vaut ce qu'elle vaut. Vous êtes un historien, un spécialiste de l'occupation. Je ne sais pas si vous êtes un spécialiste de tennis. Enfin, ça rappelle un peu Borg McEnroe. Un peu moins. Bon, ça rappelle. Mais de sport, oui. D'accord. Ça rappelle Borg McEnroe. Restera quand même le duel le plus fort de l'histoire moderne du tennis. Hein, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un de sanguin qui a devant quelqu'un qui est froid, marmoré. Hein. C'était un peu ça aussi l'anglais Mathieu. Complètement. Elle est capable de sortir en demi-finale de grands tournois et puis de revenir. Elle boude. Un peu comme une enfant gâtée. Je ne sais pas si elle jette sa raquette comme McEnroe. En tout cas, elle joue, c'est vrai, à la Borg ou à la Lendl, c'est-à-dire de fond de court. Elle use complètement ses adversaires. Le public, parfois, attend que les points soient conclus. Elle attend à chaque fois, Simone Mathieu, que l'autre craque en face. Mais c'est vrai, ça fait penser à cette différence que vous faites, effectivement, entre un McEnroe, parfois un Connors aussi, qui pouvait être colérique. Et on retrouve ce trait de caractère un peu tout le temps, enfin dans sa vie. Vous savez, elle a deux frères. Pourquoi est-ce que elle critique la presse dans les années 30 parce que on ne parle pas assez du sport féminin, on ne parle que des hommes, et elle ne fera pas de cadeau d'ailleurs aux hommes et à certains généraux et officiers de l'armée française à Londres. Mmh. Peut-être a-t-elle dû faire son chemin avec un fort caractère déjà dans la fratrie. Il a fallu montrer que une femme pouvait faire aussi bien que les hommes, ce qui montre aussi une certaine liberté d'expression dans la famille Mathieu. Bien sûr, Éric Alary, on peut dire que c'est l'une des premières féministes. Oui, je crois qu'elle fait partie des féministes de l'entre-deux-guerres, notamment lorsqu'il faut répondre à un Pierre de Coubertin qui, vous le savez, est plutôt contre le sport pratiqué par les femmes, qui considérait d'ailleurs, comme d'autres, macho total, comme vous dites, et qui considérait que le tennis était un loisir récréatif. D'ailleurs, les parents de Suzanne Lenglen et les parents de Simone Mathieu pensaient la même chose. Mmh. Ça faisait partie des codes culturels de l'époque. Éric Alary, on va se retrouver dans 3 minutes et on parlera un peu quand même, il le faut, de Simone Mathieu pendant la guerre. À bon entendeur, si j'ose dire, ça c'est le nom du groupe, qui chante sur la voix des champions. Une chose essentielle pour un jeune, c'est déjà de rêver. C'est déjà une très grande force. That feeling is the best feeling in the world when you know you've worked hard for something and you finally have accomplished it and you can raise that trophy up over your head and you feel like on top of the world. C'est pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices. Il faut être très discipliné. Mais toujours le travail paye. Bonjour, c'est Yannick Doray. Bonjour, c'est Marie Pierce. This is Martina Navratilova. This is John McEnroe. This is Chris Evert, and you're listening to Bon Entendeur. Because sometimes people view losing sometimes in a match as failure. And I think you can learn a lot from losing and you build character. The most important thing is never to underestimate your opponent. So you've got to be ready for a very, very tough competitor. Le plus important, c'est toujours d'essayer d'apprendre. Il faut être prêt à souffrir tous les jours pour être le meilleur possible. Les choses dans la vie, ça se passe toujours pour une raison et toujours pour le mieux. Some people become great champions because they work harder. Other people have the great talent. The greatest players that ever lived combine this great talent with hard work. Give your best no matter what, and then you know exactly where you stand and you have no regrets. C'est derrière tous les problèmes, il y a toujours une opportunité. Il y a plus de leçons après une défaite qu'après une victoire. If you're going to be a professional tennis player, the one thing that you do have to have is enjoying what you're doing. Éric Alary, vous connaissiez Bon Entendeur? Pas du tout, mais j'ai reconnu la voix de certaines stars du tennis, dont Yannick Noah. Donc Yannick Noah, Marie Pierce, John McEnroe. Et puis alors deux femmes qui peuvent nous rappeler Simone Mathieu et Suzanne Lenglen dans leur affrontement. Chris Evert, qui jouait au fond de court, et la merveilleuse Martina Navratilova, qui avait un jeu extraordinaire et qui était toujours au filet, qui a gagné beaucoup. Et Evert contre Navratilova, c'était vraiment la rencontre. Hein. Vous vous souvenez que tout le monde attendait, c'était assez magique. Bien. Il y a eu 5-6 finales. D'ailleurs, Navratilova a le même à la même physique hein, que Simone Mathieu, hein, des épaules très costauds, oui, assez carrées. Hein. Bon, vous voyez que le parallèle était presque pertinent. Comparaison n'est pas raison, mais... hein, voilà, mais quand même. Alors, au début du mois de septembre 39, là, on arrive à la guerre, donc Simone est l'une des vedettes du circuit féminin, joue et presque chaque fois elle gagne, quand tout va bien. Et là, elle plaque tout. C'est assez remarquable. Elle a expliqué les raisons de cet engagement immédiat. Je dis ça parce que jusque-là, elle n'avait jamais parlé politique, enfin pas publiquement. Non, si on, sauf son militantisme, mais est-ce politique ? Oui, c'est politique, le militantisme féministe dans le sport. Mais elle n'entre pas en résistance parce qu'elle est une sportive. Elle entre en résistance avant tout parce que c'est une patriote. Vous l'avez fait parler tout à l'heure en disant qu'elle aimait Dieu, la famille et la patrie, mais avant tout, la patrie. Et c'est très important, c'est une famille où la patrie était chevillée au corps et qui était entretenue, ce patriotisme, notamment par sa participation à des épreuves internationales dans l'équipe de France. Donc c'est très important pour elle. Elle est de la génération des quatre mousquetaires hein, qui ont gagné plusieurs fois la Coupe Davis, dont Borotra, la Coque, etc. Et donc la patrie, c'est très important en sport. Elle ne se pose pas de questions. C'est pas quelqu'un qui gamberge, qui va réfléchir au sens, du moins au départ, de l'engagement. Elle va normalement en France. Bon, elle se retrouve à Londres, elle fait un passage très rapide par la France et elle revient à Londres. Et elle s'aperçoit que les Anglais ont une armée féminine, une armée avec un uniforme et avec de vraies tâches militaires. Alors qu'en France, c'est absolument impensable. Mettre l'uniforme sur le dos d'une femme, c'est absolument impensable. Alors, évidemment, elle va en parler à un certain nombre d'officiers. Alors, on ne sait pas si c'est De Gaulle qui lui en parle le premier, c'est elle qui en parle la première à De Gaulle, mais c'est pas De Gaulle qui l'engage au départ, c'est l'amiral Muselier qui va mettre en place les forces françaises libres. Et De Gaulle, donc, bon an, mal an, parle de cette création d'un corps féminin des volontaires françaises. Et Churchill aura cette expression en disant à De Gaulle, on a déjà une armée féminine sur le sol anglais, pas deux. Donc, il va falloir convaincre Churchill. Il est convaincu assez rapidement. Bon, Simone Mathieu, tout de même, arrive à Londres avant le général De Gaulle, avant le 18 juin 1940, juste pour l'anecdote. Et elle va nouer des relations très rapidement avec des femmes de l'armée anglaise. Elle va participer beaucoup à la défense passive et elle va aider beaucoup d'Anglais en difficulté, du reste, à ce moment-là, puis ensuite, pendant la guerre, lors des bombardements. Alors, quel est son comportement à Londres, et notamment avec le général de Gaulle? Quelle est la nature de leur relation? Le général de Gaulle a beaucoup de respect pour Simone Mathieu. Alors, général de Gaulle et le sport, ça fait deux, comme la plupart des résistants, comme Cassou, par exemple. D'ailleurs, dans les émissions de la BBC pour la France libre, on parle très très peu de sport. Si on parle de sport, c'est pour parler de la jeunesse. Simone Mathieu, d'ailleurs, va intervenir deux fois, en 40 et en 41, pour parler de sport, mais on ne l'oppose jamais au ministre des Sports de Vichy, le premier qui s'appelle Jean Borotra, l'un des quatre mousquetaires de la Coupe Davis. Oui. Et par rapport à De Gaulle, si vous voulez, elle est tout de même très méfiante. Mais De Gaulle, il sait qu'il a affaire à un caractère. Le général Petit, notamment, l'amiral Muselier, lui ont fait savoir que c'était une femme de grand caractère. Et alors, comment ça se passe? Parce que lui aussi, c'est un homme de caractère, c'est moi qu'on puisse dire. Oui, écoutez, chacun reste sur ses bandes et personne ne va chercher l'autre. Le général de Gaulle devra trancher. On ne sait pas quels sont ses sentiments à ce moment-là. Est-il ou pas gêné? En 1941, il va être obligé de trancher, de déplacer Simone Mathieu, qui commande tout de même plusieurs dizaines de jeunes femmes qui ont entre 18 et 45 ans, des ingénieurs, des aviatrices, etc. Donc, dans ce corps des volontaires françaises. Mais Simone Mathieu découvre que le général que j'ai cité tout à l'heure, Petit, fait la cour à l'une ou à plusieurs soldates, entre guillemets, de cette armée spécifique créée pour l'occasion des volontaires françaises de la France libre. Et ça ne va pas plaire à Petit qui va tendre un piège finalement à Simone Mathieu en appelant le général de Gaulle à passer en revue dans la caserne où étaient les jeunes femmes, donc à passer en revue ces jeunes femmes. Sauf que ce jour-là, Simone Mathieu n'est pas au courant, elle est en train d'entraîner les femmes à tenir le coup physiquement. Et donc le général de Gaulle arrive dans la caserne, pas de femmes, pas de Simone Mathieu, pas de revue, Et donc, le général de Gaulle est furieux, il a perdu son temps, il est extrêmement occupé, et donc là, il va se fâcher. Donc, Petit obtient sa vengeance, puisque Simone Mathieu l'avait à plusieurs fois rencontré, percuté, pourrait-on dire, avec une sorte de passing shock dont elle avait le secret. C'est étrange de voir quand même les raisons de la brouille face aux grands enjeux, de la guerre. Il y a quelque chose de totalement décalé. On va bientôt se quitter. Il nous reste 2 minutes, Éric Alary. Je voudrais en profiter pour faire une incursion dans l'actualité concernant les rendez-vous de l'histoire à Blois. Ils ont lieu l'an dernier, malgré l'épidémie de coronavirus. Oui. Est-ce qu'ils pourront se tenir cette année? C'est le grand salon de l'histoire, les rencontres de Blois. Il y a une équipe remarquable qui est déjà au travail sur le thème, justement, du travail, après une année consacrée à gouverner. Écoutez, jusqu'à la veille des rendez-vous de l'histoire, on peut dire qu'ils auront lieu, On travaille pour cela, sous la houlette de Francis Chevrier notamment, du 6 au 10 octobre. Le programme est très riche, il est en pleine construction, et il y a beaucoup d'historiens qui viendront travailler sur le travail, autour du non-travail, de l'esclavage, etc. Les rendez-vous de l'histoire auront lieu. Bien. Et il y aura un thème, comme d'habitude, un thème dominant. Oui. Lequel? Le travail, cette année. Le travail, tout simplement. Le travail. Travailler. Bien. Travailler, et puis ensuite, on attendra, on espérera que l'épidémie nous fichera la paix, pour rencontrer à peu près 1 millier d'historiens du monde entier, et puis le plus grand salon de livres d'histoire d'Europe. Allons-y. Je vais me permettre quand même de vous répondre si vous voulez, poser une autre question d'actualité qui me traverse l'esprit, parce que vous êtes historien. Comment vous positionnez-vous face à deux polémiques autour des commémorations, la Commune de Paris d'un côté, le bicentenaire napoléonien de l'autre? Pas facile pour l'homme politique de choisir un élément à commémorer. Faut-il célébrer pour la Commune de Paris tel événement que tel autre événement? Ça n'est pas évident, mais c'est aussi rappeler que la Troisième République a été construite en partie sur le programme social de la Commune, qui lui-même était hérité d'un certain nombre de combats menés par des républicains modérés ou des républicains radicaux du XIXe siècle, pour ce qui est donc de la Commune de Paris. L'autre commémoration, pardon, vous m'avez rappelé... Napoléon, c'était bicentenaire. Oui. Napoléon, effectivement, on peut rappeler aussi un certain nombre d'éléments de la vie de Napoléon. A-t-il besoin d'une commémoration alors que c'est un des personnages qui a suscité le plus d'ouvrages avec Dreyfus dans l'histoire de la bibliographie? Il faut s'inscrire dans cette page, dans cet agenda des commémorations. Ça fait partie aussi de la construction de l'identité nationale, bien sûr, comme l'on dit. Du récit national, ce qu'on appelle le récit national. Du récit national, évidemment. Alors, il y a une forte poussée idéologique ou portée idéologique derrière tout cela, dans une période où le pays est quand même un peu tendu. C'est moins qu'on puisse dire. Merci infiniment, Éric Alary. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Simone Mathieu, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. La technique aujourd'hui, il y avait Louis Audebert.